بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Septième leçon. Septième leçon. Inna alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathiran amma ba'd. Al-yum sanakhudh muraja'at. البيت الخامس عشر والسادس عشر sur le 15e vers. فقال الإمام عبد الله أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى في حائياته وحائياته ويقول إن خل الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير برية بعدهم علي حليف الخيل بالخيل منجح. La première des deux. وقل إن خيل الناس بعد محمد. Donc dit إن حرف توكيد من حروف النصب إن سمعت بار سيرت بارتيكول دافيرماسيون الناس خير الناس le meilleur des gens بعد محمد après محمد nous dit que les meilleurs des gens après محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح وزيراه سيأتي قدما de longue date قدمن قدمن ثم عثمان أرجح يعني وزير souvent traduit par un ministre en français à notre époque. En tout cas le terme وزير il va venir inshallah. C'est celui qui apporte soutien au roi. Ensuite عثمان أرجح أي à la قول الراجح la ville le plus prépondérant, que c'est Othman qui vient en troisième position. Donc les meilleurs des gens après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleurs des hommes en dehors des prophètes bien entendu, c'est-à-dire de sa communauté, sont Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar ibn Abdul Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakr Masmo, c'est quoi son nom? Abdullah ibn Othman. Très connu par sa kunya, mais son prénom, c'est Abdullah ibn Othman. Donc ces deux sahabi Jalil, avec l'ijma' de la Umma, sont les deux meilleurs hommes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a clairement dit que celui qui ne voit pas cela, وأضل من حمار الأهل le plus égaré qu'un âne domestique. Et qui est-ce qui ne voit pas cela? Ma'alouf. Qui sont les ânes qui ne voient pas cela? Ah ouais, et en disant ça j'incite les ânes. Et Rafida قاتلهم الله ولعنة الله عليهم. Qui sont les plus grands ennemis des gens de la sunna, plus que les juifs, plus que les chrétiens. Et Rafida. Car même les juifs et les chrétiens ne te feront pas ce que ces gens peuvent te faire. والمنافق قلنا المنافق شره أشد من العدو الجلي. L'hypocrite sont mal et bien plus dangereux que ton ennemi déclaré. Clair. C'est ça que tu as à faire. Naam. Donc ensuite, Othman, il est en troisième position. Ça c'est la parole de la grande partie des savants, et c'est la parole qui est correcte. Que Othman vient en troisième position. Car il y a eu un khilaf à un moment par rapport au fait de préférer Ali à Othman. même chez les gens de la Sunna, fut un temps. Après, il y a eu le tifaq, il y a eu une unanimité que Othman est meilleur que Ali. Donc, parmi les preuves, le Affar ibn Omar, radiallahu anhu, qui l'a dit, « Ma kunna nuqaddimu ahadan ala Abi Bakr wa Omar, thumma Othman ala hadi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. » Que nous ne faisons devant ces personnes sur Abu Bakr et sur Omar. Et ensuite, Othman. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également ce hadith, j'ai oublié le marjia, une femme est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith raconté par Aïcha radhiyallahu anha, jat mar'a fa salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma kanahu ajjal wa qalat wa lam ajidk fa qala laha فَيْذْهَبِي إِلَى أَبِي بَكْرِ. Elle est venue pour demander une chose. Je crois qu'il n'était pas en mesure de pouvoir lui apporter ou lui répondre. Pour faire une chose en particulier, il lui dit de revenir. Parce qu'elle a dit, si je ne te trouve pas, elle a dit, si tu ne me retrouves pas, va voir Abou Bakr. Et également que l'ordre dans leur khilafa, c'est l'ordre de leur préférence. D'accord. Le premier c'était qui? Abu Bakr. Naam. Il a tenu le pouvoir pendant 2 ans et 3 mois. Ensuite, Omar. 10 ans et 6 mois. Ensuite, Othman. Il a fait le plus long, le temps le plus long c'est Othman. 12 ans. Ensuite, Ali, qui a fait 4 ans et 6 mois. Ensuite, El Hassan a complété les 6 mois restants, ce qui en a résulté, il y en a 5 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, El Khilafa Salathou Nasana, que le califat sera de 30 ans. Naam, il y a quoi? Ali, il a fait 4 ans et demi. Radhiyallahu alayhim ajma'in. Là, un truc, souvent, qu'il y a eu après eux, Muawiya, radhiyallahu anhu, également, il y a eu Omar ibn Abdul Aziz. Et souvent les gens appellent Omar ibn Abdul Aziz comme étant le 5e calife. Wadi Ibarra Muntakada. D'accord? Celui qui serait plus en droit d'être nommé comme cela, c'est Muawiya. Car Muawiya, c'est un sahabi. Omar ibn Aziz, c'est un tabi'i, ce n'est pas un sahabi. Et les sahaba, il n'y a personne qui peut les. Qui n'a leur valeur. Donc si quelqu'un aurait dû avoir ce statut de 5e calife, ça aurait été Muawiya. Ça c'est une faïda qu'avait donné Cheikh Salih al-Sheikh dans son char de Arba'in Nawawi. Donc Wazira kunna le Wazir, c'est celui qui soutient le commandeur, le roi ou le président, ça dépend. Aujourd'hui on traduirait par un ministre à notre époque. Celui qui apporte soutien au chef du pouvoir. Voilà, ah oui non. Celui qui supporte des charges avec lui. Donc Wazira, c'est venu au Musanna, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar. Waqale Qudman, hey, min Qidam, depuis bien longtemps, car Abu Bakr, radhiyallahu anhu, est le premier homme à avoir cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier homme à être entré en Islam, Abu Bakr. Et également, Omar était parmi les premiers, également, surnommé le Farouk, et que la révélation a souvent, leur a souvent donné raison. Enfin, du moins, sur plusieurs situations, la révélation est descendue pour donner raison à Omar, les avis qu'il a évoqués, et la révélation est venue pour l'appuyer. Ça arrive à plusieurs, en plusieurs cas. Plusieurs fois ça arrive. Donc après Omar, du moins après Abu Bakr et Omar, l'avis le plus prépondérant dans la préférence, c'est Othman. On parle de la préférence, on parle pas du Khilafa. Khilafa, c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Ridwanallah alim ajma'in. Mais là, on parle de la préférence des hommes. Et bien entendu, justement, cette préférence des hommes suit la chronologie de leur, de leur prise de pouvoir. Et les Rafida, l'anatollah alayhim, ce sont eux qui ont dit que Abu Bakr et Omar ont lésé Ali et ils ont pris le pouvoir sur lui, à sa place. Et bien d'autres, ils ont été plus loin que cela, ils ont été jusqu'à dire que, Ali, que Jibril, alayhi salam, s'est trompé et a donné la prophétie à Mohammed alors que c'est Ali qui peut la recevoir. Ça c'est du kouf. Pour dire, ils peuvent aller loin. Et qu'en réalité, Ali, ils n'en ont rien à faire. D'accord ? Ali, c'est juste une couverture. C'est une couverture, Ali. Et Ali, bari ou minhum. D'ailleurs, justement, il en a brûlé parmi eux. Quand certains sont venus loin, ils ont dit tu es Allah. Brûlé. Il en a brûlé certains. Abdullah ibn Sabah s'est sauvé et les autres, il les a brûlés. Après, Ibn Abbas lui a blâmé pour le fait d'avoir brûlé, parce qu'Ali ne connaissait pas l'argument sur le fait qu'il a été brûlé. La yu'adhib bin nar, il est rabbun nar. Le hadith, que personne ne châtie par le feu, c'est le seigneur du feu. Et Ibn Abbas a blâmé le fait qu'Ali les ait brûlés. Il aurait dû les tuer d'une autre façon. Voilà. Ça prouve que le sahabi n'est pas marsoum, n'est pas infaillible. Il y a des choses qui ne sont pas parvenues, ils ne connaissent pas. Donc, pourquoi il dit arjahu? Car, comme je l'ai dit, il y a eu un khilaf. À un moment, que certains, même parmi les gens de la Sunna, qui ont préféré Ali à Othman, radiallahu anhu. Mais que Cheikh Islam Taymiyyah, radiallahu ta'ala, dit bien que le fait de préférer Ali à Othman, sur la préférence en tant qu'homme, n'est pas une chose qui amène à tabdi ou à tadlil. D'accord ? Par contre, là où il y a le blâme sur la personne, et là il peut tomber dans l'égarement, c'est le fait de dire que le khilafa de Othman, c'est Ali qui le méritait. Là, oui. Et à la base de Tashayyur, ce qu'on appelle le schisme aujourd'hui, c'est ça, la base. C'est le fait de préférer Ali. Vous êtes des fois, parmi les gens de la Sunna, parmi les grands savants d'avant, certains ont dit qu'il y a un affi Tashayyur. Il avait du schisme. En fait, ce qu'il avait, c'est ça. Une préférence de Ali sur Othman. C'est tout. C'est pas comme les gens sont aujourd'hui actuellement. C'est juste ça. Le schisme, à la base, c'est parti de là. C'est le fait de préférer Ali. Il serait parti pour Ali. Non. Donc après cette préférence que certains ont eue pour Ali sur Othman, c'était à une certaine époque, ensuite ils sont tous mis d'accord que Othman est meilleur que Ali. Et le fait de dire qu'un est meilleur n'est pas un abaissement envers l'autre. Même entre les messagers, il y a des préférences. Tel qu'un Rasoul, Faddalna, Ba'dahum ala Ba'd. Hein? Même pour un messager, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préféré certains à d'autres. Donc ce n'est pas un abaissement. C'est juste que là il a voulu. Akada. Même parmi les femmes, il y a des préférences. Khadija, Asiya, Maryam, Tayyib. Ensuite, Warabi'hum khayr bariyati ba'dahum. Donc leur quatrième est le meilleur de la création après eux. Le quatrième c'est qui? Ali. Khayrul bariyya, le bariyya. La création. C'est-à-dire, hors messager et prophète, bien entendu. Bardahum et Imanhum, Abu Bakr, et Omar et Othman. Ali Halif el Khail bil Khail Mundjihu. Halif. Halif, hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien cité les vertus de Ali. Waqal, la yuhibbuhu il est mu'min, wa la yubriduhu il est munafiq. Que personne ne l'aime hormis un croyant et personne ne le déteste hormis un hypocrite. Encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anta bi manzilati ka manzilat Harun ni Musa alayhi salam illa annahu la nabiyya ba'di. Il dit certes tu es de mon pour moi comme ce qu'était Harun pour Moussa. hormis qu'il n'y a pas de prophète après moi. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il était parti pour une conquête. Il avait dit à Ali de rester en arrière pour surveiller les femmes et les enfants. Et Ali avait pris dans son nefs le fait qu'il sentit comme si c'était une tâche qui était moindre. L'Al-Namusem lui a dit ça. Pour le réconforter. Pour dire ce que je donne, c'est une tâche importante, nos femmes et nos enfants. Et tu es pour moi, comme ce que Haroun est pour Moussa, alayhi salam. Hormis qu'il n'y a pas de prophète après moi. Non. Donc ça c'était le Khurasa de ces deux vers qui étaient l'ordre de préférence des hommes, les meilleurs hommes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Abu Bakr et Omar et Othman et Ali radhiyallahu anhum ajma'in, qui sont les quatre califes bien guidés alaykoum et sunnati et sunnak les Khurafa et Rashidin et Mahdiyin raddu alayya bin nawajid comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Accrochez-vous à ma sunna, ainsi que la sunna de mes califes bien guidés. T'as un fumala. Et les prochains vers viendront pour les 10 premiers au paradis. Inch'Allah. Ayakallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.